Kuna, Sonny Duval, Bloodshot Bill et bien plus encore. Le 26 juillet à 16h30, en direct du parvis du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Informez-vous sur lefestif.ca. Une collaboration de CKRL et de CIHO. CKRL HD. Une radio haute. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et Marc Chaunet au choix musical et à l'animation. Alors, un bon 2 heures de musique rock progressive d'aujourd'hui. On a plusieurs disques récents. On a aussi, j'ai pigé dans quelques disques plus rares qu'on entend rarement et qui font partie de la vague là, de la nouvelle musique rock progressive. Mais tout d'abord, on débute avec une nouveauté, Brother Ape de la Suède. C'est leur troisième album, Force Majeure, et on ira d'une pièce intitulée Life. Ensuite de ça, on ira avec le groupe Pendragon. C'est un groupe donc du Royaume-Uni. Ça va être extrait de leur avant-dernier album intitulé Passion, publié en 2011, et comme vous le savez probablement, Pendragon viennent à l'Impérial de Québec le 19 octobre prochain à 20h avec le groupe de Québec Red Sand en première partie. Red Sand qui viendront nous présenter des extraits de leur nouveau disque Cinéma du Vieux Quartier. C'est leur sixième disque. Et donc Pendragon, il y aura la pièce tirée de Passion, It's Just a Matter of Not Getting Caught. Et ensuite, on ira de trois pièces. Donc, l'artiste Steve Cochrane, qui est un artiste canadien qui a fait paraître cette année La La La Variations on a Happy Song. C'est un album assez folk qui est un peu plus dans l'esprit des Jethro Tull, si on veut. Donc, un mélange de folk puis de rock progressif. La pièce Towards Ideal. Mais d'abord, on débute avec Brother Ape, Pendragon et ensuite Steve Cochrane. drop of rain, a sheet of ice. You float through life, you've been here twice. Your broken bones, you're on your own. You settle down and make a loving home. You know you have to die to be reborn. What goes around comes around. All the cliches of the world are turning down. I know your mind, I know your tricks. Your verbal sound bites, your lying gets. The puncture wound, heroin, unsettled bills, the mortal sin. The trail of slime where you have been. Did I say the right thing? Hey, the purest words, you've no idea. Will you be so beautiful tomorrow? No substitute for honest toil. No antidote for idle hands. The second's life can turn around. Depends which way a coin will land. Someone somewhere surely must know what's going on. The more I live, the less I know. Once in a while, let your mind be free. to imagine things as they could or ought to be. With a delicate brush, it paints a new sky, reshapes the clouds just the sun on high, creates this dream no one else can see, and visions a world of endless possibilities. It opens its wings and soars to new heights, finds dark corners and sheds some light, calls to the child in the hero within, to fill the spirit with wonder and let this journey begin. Seeking form, growing inside, breathing. C'était l'artiste canadien Steve Cochrane, tiré de son plus récent album La La La Variations on a Happy Song, la pièce Towards Ideal. Je vous dirais une des plus prog vraiment de l'album, puisque il y a beaucoup de, c'est un album concept, puis il y a beaucoup de pièces plus folk dans ça, mais c'est un album dans l'ensemble qui, moi je trouve qu'il est assez réussi là, quand on aime le mélange de prog et de folk. Donc juste avant il y avait Pendragon, tiré de Passion, et Pendragon qui va être en concert donc le 19 octobre prochain à l'Impérial de Québec. On y va maintenant avec le groupe Nexus, c'est un groupe de l'Argentine et ils ont contribué au concept album de Stories of H.P. Lovecraft. Ils font donc une pièce instrumentale intitulée The Color Out of Space. On va y aller avec ça pour terminer la première demi-heure. Et puis, on va enchaîner tout de suite au retour avec le nouvel album de Unreal City. C'est l'album italien qui est produit, réalisé par Fabio Zuffanti, celui qui est derrière La Mascara di Cera, une longue pièce. Alors, on y va tout de suite avec Nexus et au retour de la pause, ce sera Unreal City.

Unreal City sur les ondes de CKRL à l'émission Terra Incognita. Et c'est un nouveau groupe italien. Leur album, premier album, La Crudeltà di Aprile. Et c'est produit par Fabio Zuffanti, qui est derrière beaucoup de projets. Ost Sonaten, La Mascara di Cera et Finistère. C'était la pièce, donc, Aurore Vacui, en plusieurs, qui se décline en quatre sous-pièces. Donc, c'est la pièce de résistance de l'album. Un excellent disque, je vous le recommande. C'est sur BTF, l'étiquette BTF. Alors, on poursuit maintenant avec le groupe Darwin's Radio, qui est un groupe du Royaume-Uni. Leur second disque est plus récent à date, à ce jour, Template for a Generation. C'est leur second disque, la pièce Breathe It In. On y va avec cette pièce et au retour, au prochain bloc, ce sera un bloc consacré au rock progressif américain, donc un petit bloc américain et d'autres surprises qui s'en viennent. Donc c'est Bruno et Marc avec vous, on y va tout de suite avec le groupe Darwin's Radio. Thank you. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Les artisans de La Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bières pression à fermentation haute. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418-522-4373, labarberie.com. Le 27 juillet prochain, l'International de pétanque du Vieux-Limoilou vous invite à participer à un tournoi amical, sans prétention, le tout dans une ambiance festive. Encore cette année, 64 équipes de la France, du Maroc, de l'Outaouais et de la Haute-Saint-Charles sont attendues. Qui tire du pointe? Les champions en titre, les urbains, défient quiconque à venir leur ravir la précieuse Coupe Richard. Le 27 juillet, au Parc de Lens à Cartier, dès midi. $30 par équipe de 3 personnes. Inscrivez-vous sur limoilouenvrac@vidotron.ca. En collaboration avec Production Limoilou en vrac, Bal du Lézard, Ville de Québec, arrondissement de la Cité Limoilou, montlimoilou.com, Boréal et Caisse des Jardins de Limoilou. Chaque mardi et vendredi, CKRL vous propose des émissions variées axées sur le blues, le métal et plusieurs autres styles, tout comme les soirées du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, c'est des spéciaux sur les bières importées et des microbrasseries québécoises. Les étonnants 5 à 7 sur les bières canadiennes et le vin. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Lebaldulézard.com. CKRL. Québec. Alors, de retour avec Bruno et Marc, et ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était Darwin's Radio, tiré de Template for a Generation, la pièce Breathe It In. Pour la deuxième heure, on a d'abord un premier bloc consacré au rock progressif américain. Et pour ceux qui n'étaient pas au courant, Terra Incognita a un magazine spécial, une édition spéciale États-Unis qui est tout en couleurs et qui est consacrée à plusieurs groupes peu connus et la scène américaine du rock progressif en général. Et on y parle de Ecolin qui a réalisé son plus récent album, excellent disque éponyme. Ça, c'est vraiment une réussite. On aura une première pièce sur ça dans le blog, d'ailleurs, la pièce Some Memorial. Et on y parle aussi dans ce magazine de Timothy Pure, de Third Degree, de Lo-Fi Resistance, de T-Club et bien plus. Alors, je vous invite à procurer cette édition. Et il y en a d'ailleurs deux nouvelles éditions, le magazine 34 et 33. Où on y parle de Steve Hackett. Steve Hackett qui sera en spectacle donc à Québec le 4 octobre. Et il a été dit cette semaine au Grand Théâtre. Il a dit cette semaine qu'il restait environ seulement 300 billets. Alors, ça serait le temps d'aller chercher votre billet, même si c'est un peu loin, si vous voulez pas manquer Steve Hackett à Québec. Donc, on y va en musique avec Ecolin. Ensuite, le nouveau Discipline aussi qui est paru il y a 2 ans. Et un excellent album intitulé To Shatter All Accord. C'était leur 3e. Ils ont fait 3 disques très excellents. Discipline. Et on terminera le bloc avec Whitsand. C'est un disque qui est paru en 1993. Et c'est un groupe de 3 musiciens qui ont éventuellement formé le groupe Cy Ziggy, qui ont réalisé 2 albums jusqu'à maintenant, je crois. Et ça, c'est la découverte pour ceux qui s'intéresse au rock progressif. C'est des albums rares. On aura donc une pièce de Whitsand intitulée, il me semble, de Toro. Je vous le confirmerai plus tard. Alors, on y va tout de suite en musique avec d'abord Ecolin, tiré de Ecolin Some Memorial, ensuite Discipline Circuitry, et on termine avec Whitsand. We'll be right back.

take a handful of seeds and a mouthful of dirt. Lie down and become a garden. Lie down and become a garden. Lie down and become a garden. Thank you.